fragile comme la peau de tramontagne en alizé, vogue mon âme vandalisée. Bon, je l'assure sous les carreaux, j'en tirerai comme mon écho de tramontagne en alizé, prendre les armes dévalisées. Ça, tombe la pluie sur les carreaux, tendre et fragile comme la peau de tramontane non alisée, vogue mon âme vandalisée. Plonge l'azur sous les carreaux, chante sirène comme un écho de trois montagnes en alizées, prendre les armes dévalisées de partout dans la nuit de France. Il y en a beaucoup, des amoureux qui campent, tombe les feuilles sous le préau. Dans ma mémoire, il faisait beau. De trois montagnes en alizée, vogue mon âme vandalisée. Sèche la pluie sous le vent chaud, sous les caresses du ciel. De trois montagnes en alizée, prendre les armes des balles de partout. Dans la nuit de France, il y en a beaucoup, des amoureux qui dansent. C'est déjà l'heure de partir. Et de partout, dans la nuit de France, il y en a beaucoup, des amoureux qui dansent. Doit y aller.